Bonne, est-ce que jamais d'autres conférenciers qui viennent assister à des conférences? Il y a d'autres conférenciers, mais dans le même genre que moi, c'est-à-dire des conférenciers reliés à leur esprit, il n'y en a pas pour la même raison que ça ne peut pas se faire dans les sanctuaires, parce que les énergies qui sont déjà des antennes supramentales ne doivent pas présentement se mêler, parce que la friction entre les deux pourrait créer des contraintes extraordinairement souvent, douloureuses, dangereuses, pour les personnes qui ont commencé à écouter l'un ou l'autre, ou qui ont commencé à suivre un chemin de conscientisation. Chaque individu qui approche le contact avec son esprit passe par une période où il doit fonctionner sans risque de coloration d'un autre descendre du même esprit. Autrement dit, si moi un jour je vais écouter une autre conférencier qui parle de l'autorité supramentale, je pourrais et je risquerais, et veux pas, je risquerais dans les conférences que je ferai après, d'aller chercher certaines intonations, d'aller chercher certaines choses, d'ajuster ma parole à la sienne. Ce qui fait qu'au lieu d'exprimer l'intelligence de deux façons totalement différentes, même si certains voient que c'est la même chose, si l'un et l'autre ou l'autre vient assister aux conférences de l'autre, il y aurait et il y a possibilité de danger qu'à un moment donné, l'intelligence soit exprimée de plus en plus de la même façon. C'est pourquoi que tant que la fusion totale n'est pas terminée entre le plan supramental, tant que l'homme cosmique n'a pas digéré et commencé son intégration incarnationnelle sur la Terre, les conférenciers ou les individus qui ont accès au même vaisseau à des vaisseaux différents, mais purs d'un contact supramental, ne peuvent pas se rencontrer et travailler ensemble. Pour l'instant, ils sont obligés de travailler ensemble au niveau de l'éther, mais ils ne peuvent pas travailler ensemble au niveau de la matière, parce que la matière n'est pas prête. Et parce que l'homme n'est pas prêt. Donc, la question est parfaite, bien. Une autre question de réponse. L'homme peut-il se réincarner dans le passé? Non. Tu as déjà dit que les séminaires de carrière mentale ne se font que l'été. Pourquoi aujourd'hui il y en a en octobre et en janvier? Le séminaire de carrière mentale, lorsqu'il a été fait, on a eu deux séminaires. Le premier séminaire, surtout, c'était important de le faire lorsque les journées sont plus longues, c'est-à-dire lorsque la psychologie de l'homme peut le moins être altérée par la mécanicité manipulatoire de l'âme, donc des portes de la mort, du monde astral. Il y a une recrudescence, ça on a un médecin psychiatre aussi qui pourrait le confirmer, de problématiques psychologiques vers le début de l'hiver et vers le printemps, c'est-à-dire lorsque ça ne finit plus d'en finir, c'est-à-dire que lorsque la neige, l'hiver a l'air à vouloir s'étirer, il y a une recrudescence de problèmes psychologiques et il y a une immense recrudescence de manipulation astrale lorsque les journées sont alors plus courtes. Parce que l'individu vit dans le noir trop longtemps et dans le noir, les forces astrales ont une tendance filée à manipuler un peu plus l'individu. Pourquoi certains pourront dormir s'ils ont peur de la lumière humaine, mais lorsqu'on les éteint, ça ne marche plus. Alors, lorsqu'à un moment donné, l'individu vit des journées plus courtes, il finit par être plus facilement manipulable et agressable. C'est donc essentiel de faire les similaires, parce qu'énergétiquement, les forces astrales sont moins puissantes chez l'homme. En réalité, parce que l'homme est plus apte à supporter les contraintes, on a une journée plus longue, et parce que énergétiquement, l'énergie yam, l'énergie solaire, a plus de force l'été que l'hiver. L'hiver, elle est réfléchie sur les couches atmosphériques de la planète et les énergies supramentales sont aussi réfléchies. Trois ans plus tard, étant donné qu'on a déjà fait deux séminaires, qu'il n'y a pas eu de problème, au moins pas de problème majeur, qu'il y a eu plus de gens qui font le PSC, que l'égrégore PSC ou l'égrégore mental associé au PSC est plus puissant, nécessairement, ce n'est plus nécessaire de se limiter à un certain temps solaire et tellurique pour faire des choses. En plus, lorsque j'ai expliqué, avant le premier PSC+, ce phénomène où on était de plus en plus bénéfique de l'énergie supramentale, cela permet justement à l'individu de pouvoir en profiter un peu plus souvent, un peu plus d'inconscient. Étant donné qu'au niveau des dates, ce n'était pas nécessaire ou ce n'était pas possible de faire le séminaire sur le corps mental cet été, et qu'étant donné qu'au niveau astral et psychomental, on n'y a plus la même utilité qu'avant, parce que je le répète, le premier qui passe mange le mal, le deuxième vit les honneurs, sans plus vite. Et les autres, ben, finissent par passer allègrement, le chemin mieux fait de suite. Alors, le premier séminaire, c'est important de l'enligner avec le plus de probabilité de réussite. Le deuxième, on a fait la même chose, et maintenant, on peut se permettre de le faire dans d'autres termes. Le séminaire de la colère mentale 2, là, on le fait en janvier, pour l'instant. C'est fini, là. S'il y a des problèmes au séminaire jamais mêlé. S'ils voient que vous n'avez pas la puissance, ils ne seront pas mêlés. Ils vont vous monter si vous êtes une gagne. Si vous avez la puissance, ils ne seront pas mêlés. Ils vont exécuter. Le mois dernier, la conférence du mois, tu as dit que nous deviendrons de plus en plus orgueilleux. Est-ce que l'orgueil dépasse de l'anti-lumière? Oui, et j'ai expliqué que l'homme devenait de plus en plus orgueilleux pour la simple raison qu'il avait encore de l'ego, et c'est pourquoi grande partie de ce que nous faisons sens participe à l'allégorisation de l'homme. Étant donné que l'être humain est fort, égoïquement ou pas, la faculté d'entrer en contact avec son esprit, il a la faculté orgueilleuse d'entrer en contact avec l'astral supramental, et il a aussi la faculté de se couper comme il veut. Étant donné que l'homme a de l'ego, plus l'homme acquiert de la puissance, plus l'ego est transformé en pouvoir, et plus l'orgueil apparaît. Et c'est un petit problème, mais présentement, il n'est pas solutionnable dans l'étape actuelle de l'évolution de l'homme. L'être humain évolue vers l'ancien. L'ancien évolue vers l'homme. Lorsque les deux se rencontrent, il y aura les étincelles, l'immense friction, l'initiation par le feu et l'homme cosmique devant venir prendre la place. Alors donc, une personne qui fait le PNC, et on l'a expliqué un peu le mois dernier, a de plus en plus tendance à être orgueilleuse, à ne plus vouloir se faire manipuler, à devenir chiant, à ne plus être capable de respecter un patron, à devenir problématique. Pour la simple raison qu'elle voit plus clair qu'un autre passé. Donc, étant donné qu'il y a le cas de l'ego, la personne finit par avoir un peu de conscience supramentale puisée dans le monde des mortels, laissée par ceux qui ont déjà parlé au passé, elle finit par sentir de la puissance, l'ego évaporé dans le diable, en son sans pouvoir, et lentement la personne devient de plus en plus dure à faire évoluer, c'est-à-dire qu'elle devient lentement une dirigeante vers le côté coloré, contact supramental. On veut que puisse c'est ici, pourquoi de temps en temps, ça paraît long d'évolution, de temps en temps, on fait recommencer certaines choses avec certains individus. Égoïquement, contacté, c'est nécessairement un ennemi de puissance, un ennemi des forces de lumière, ce que l'on voudrait, et nécessairement un jour, on aura été contre, et on ne tient pas trop de trois voitures, on va lutter contre eux. d'ailleurs, je suis seul, alors apprenez à le peler par des nivelles mensuelles. Quand vous dites que vous disparaîtrez, actuellement, allez-vous revenir? Vous disparaîtrez plus demain. Allez-vous revenir dans votre corps de lumière ou comme vous êtes actuellement, même si vous êtes déjà lumineux? Sans frustrer personne, ça me regarde. L'homme qui est en attente active n'a donc pas le choix. Il est mis en attente active. On est vécu. Bien. C'est donc actuellement âgé à être en chômage et ne pas avoir d'argent jusqu'à ce qu'on en décide autrement. Les vécus peuvent y être. Il y en a qui auront un réseau. Bon, c'est le problème. C'est déculpabilisant, oui, et l'institut va être disponible. Il y en a besoin de chômeurs. Parce que quand tu vas avoir des catastrophes ici, c'est les chômeurs des institutions sociaux qui peuvent faire quelque chose. Ils vont ramasser la marde, ils vont se ramasser sur les fronts en premier. Hein, on n'en verra pas ceux qui vont entraîner les institutions ou les chômeurs. Oh, les médecins n'iront pas sur le front, les techniciens qui font les souliers n'iront pas sur le front, on a besoin. Ça dit pas de quoi, c'est plus de ceux qui vont être chômeurs. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des humains qui devront être là parce que c'est essentiel dans n'importe quelle grosse société qu'on ait des chômeurs et des institutions sociaux. C'est vital au cas. C'est la main-d'œuvre de réserve. Alors, lorsque l'individu comprend cela, eh bien, il s'annonce pour être en attente active. On en trouver une job. C'est sûr que 5 fois 5, il n'y aura pas. La salle, il n'y en a pas. Mais on reste quoi? Jusqu'à temps que le cas, c'est pas. Je viens d'intelligence de la vie, des situations que l'on a besoin pour les choses que l'on a besoin d'apprendre. Est-ce l'esprit, l'homme réel, une mécanique? C'est une mécanique. Tout à fait mécanique. Mais par contre, elle a été créée par l'intelligence. L'intelligence fait partie des possibilités d'intervention dans la mécanique. Le mécanisme peut toujours être amélioré ou changé. C'est pourquoi on dit souvent, théologiquement et motivement, que tout est prévu. Il n'y a rien de prévu, mais tout est prévu. Bon. Plus bien l'intelligence de la vie, les situations que l'on a pour et que l'on a besoin pour les choses, que l'on a besoin d'apprendre. Rien. Un événement part. Un individu qui traverse, ça n'en rend pas compte. Un autre traverse, ça rencontre qui broye. Un autre traverse, ça rencontre qui apprend. L'événement n'est jamais venu pour t'enseigner, quelque chose. L'événement a passé. Et l'homme qui traverse, est dans une attente active pour en bénéficier de l'événement. Il est parfait, dans la conscience, il est là. Servez-vous de ce qu'on vous oblige. Quelle transformation tu diras, Jimmy? Bon, quelle transformation subira Jean-Paul II et l'Église lors de sa visite à Fort Simpson? Il y a des choses sur l'Église catholique romaine qu'on ne peut pas encore dire parce que la phrase ne doit pas être au courant de tout, parce que certaines choses au niveau du pape et surtout de Jean-Paul II sont occultement et historiquement mauditement bénéfiques pour l'évolution de la conscience fondamentale. Évidemment, certaines personnes sont obligées de jouer des rôles qui ne sont pas les plus beaux, mais qui nécessairement font quelque chose de bien. Dans un film, le bandit, c'est le chien. Mais il donne une raison d'être au héros qui finira le film intéressant. Il faut que l'un soit le héros, il faut que l'autre soit le bandit. Quel des deux est le moins important? Les deux sont égales. Plus bien la même, c'est que dans la signification occulte, la échange d'énergie. Sauf que les dieux sont extrêmement avares et les dieux sont toujours égoïstes. Donc, les dieux ne sont pas régis par l'échange d'énergie. On donne mouvement plus à des dieux que les dieux nous donnent. Lorsqu'on veut plus rien donner aux dieux, rien nous donne. Pour nous convaincre, pour ramener la foi. Pour arriver à la foi des fidèles, on commence à donner. C'est les dieux mâles, ce sont les dieux qui sont. Occultement, la nourriture des dieux, Dieu qui est de relever énergétiquement à l'homme. Et quand je parle de Dieu, je parle de Dieu qui est par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme, placé dans le monde de la mémoire, le monde de la mort, parce qu'à l'origine des hommes des cavernes de la foi de Dieu. Les dieux ont été créés lentement au cours de l'expérience initiatique de l'état de l'homme, c'est-à-dire au cours de l'expérientiation mémorielle du culte des ancêtres. Et lentement, l'ancêtre, on énergie justement les égards, et lentement, l'ancêtre devient quelque chose d'important, de plus en plus important. Finalement, on y croit, finalement, on le croit, et puis au moment donné, devient un dieu. À travers ce dieu, on imbrique un peu les expressions de découverte expérientielle de ses ancêtres sur le monde, par exemple, le dieu tonnerre. Mais le mot Dieu, la divinité n'apparaît pas. Dans le début, l'homme craint toutes ces choses-là. Lentement, il cède des craintes parce qu'il s'habitue à elles. Alors, il commence à les respecter. Mais finalement, il s'habitue tellement qu'il ne les respecte plus, puis il les aime. Les aimants, il les possède. Alors, si ton Dieu ne te donne pas ce que tu veux, tu changes de religion. Parce que quand tu aimes quelque chose, émotivement, tu ne respectes plus. Alors, voilà pourquoi les maîtres. Les maîtres, c'est là où les hommes vont nourrir Dieu. Et, occultement, l'homme pense qu'il vient se faire aimer Dieu, se faire sauver. Il donne un peu de temps à Dieu, comme le Dieu catholique, il demande une heure par semaine, quand même, comme c'est ça. J'avoue que c'est un bon Dieu. Les autres, ça donne autant de temps. Bon, depuis que, oui, question 1, question 2, je pense que je vais la faire maintenant. Est-ce que le phénomène de la souffrance échappe lui aussi au délibre arbitre de l'homme planétaire? En un mot, l'homme a-t-il le choix de souffrir ou de ne pas souffrir? Bien. L'homme a le choix dans sa conscience. L'homme a le libre arbitre dans sa conscience. Mais sa conscience, enfin, attention, il y a la conscience astrale, l'homme n'a pas de libre arbitre là-dedans. Il y a la conscience mentale qui permet à l'homme de créer une espèce de logistique et il permet aussi une reprogrammation et une programmation de plus en plus efficace de cette chose. L'homme cosmique peut commencer à intervenir par le biais du supramental, ajusté par le registre de pensée, au contact neurologique pour engendrer cette programmation. Il y a une espèce de libre arbitre dans la conscience. À l'instant où l'homme est conscient d'être conscient, à l'instant où l'homme est conscient d'être manipulé, à l'instant où l'homme est conscient qu'il ne peut pas le libérer, lentement, une espèce de petit libre arbitre commence à naître. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'illusion, il n'en a pas. À cet instant, la souffrance peut disparaître, la souffrance. L'homme n'a pas le libre arbitre de décider, bon, je ne souffre plus. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Sauf que plus l'homme logistifie les choses, plus l'homme intelligente les choses, plus la souffrance diminue. Moins l'homme se prend au sérieux, donc plus l'homme s'égoïse, plus il touche à un des parfaits supérieurs qui existe. Et plus l'homme s'égoïse, plus il se libère du concept psychologique et émotif du débarbit antérieur. Et plus l'homme s'égoïse, moins il souffre, donc nécessairement, il y arrive. Sauf que ce n'est pas un choix. Est-ce que la parole du Nazaréen, est-ce que, oui, la parole du Nazaréen, tout est accompli, implique justement qu'il a accompli. Il accomplissait et par le fait même, il n'avait pas de désordre. Mais ça, c'était chiant. Quand Nazarien prend son temps à broyer, non, mon heure n'est pas venue. Hein? Pourquoi tu commences à parler aux gens? Mon heure n'est pas venue. C'est pas le temps. Et à un moment donné, c'est clair. Parce que regardez, le Nazarien aurait pu choisir de parler avant son temps. Oui, personne n'aurait écouté. Au niveau du résultat, ça a été la même chose. Puis là, 10 ans après, le monde commence à l'écouter. Là, on va te dire, hey, Jean, t'es commencé le 10 ans, sinon, c'est ça. Non, il y a rien qui attend comme que fait, puis dans 10 ans, commence, c'est de la même chose. Quand le temps est là, le temps est là. Alors, le Nazaréen, effectivement, ne faisait qu'accomplir, c'est-à-dire qu'il avait le cachet à chuter à une égalité forte. Dans sa conscience, il avait un éparpé. Et dans sa conscience libre, à libre, au niveau de sa conscience, il voyait ce qui devait être fait, et ce qui devait être fait, c'était par non éparpé de l'homme. Donc, nécessairement, il voyait ce qu'il devait faire, et ce qu'il devait faire, et qu'il devait. Donc, il y a un peu de temps. Yes. Comment peut-on dire que quelqu'un qui a constitué suffisamment son domicile, par exemple mère, meurt de sa première mort pour revenir dans un corps génétiquement plus solide? L'esprit n'est-il pas omniprésent? S'il y a 12 ou 144 000 esprits, comment personnaliser que l'esprit de mère va revenir ou est l'erreur? Bon, bien. L'esprit est partout, sauf qu'il est exprimé différemment partout. C'est comme si on prend de la couleur ou une lumière blanche. La lumière blanche, elle est partout, dans la pièce. Sauf que la lumière rouge, Petit degré de chaleur entre les deux font des nuances. C'est un écart. Alors, on revient ici. Comment peut-on dire si quelqu'un qui a constitué suffisamment son domicile, par exemple mère? Mère, on avait constitué son domicile. D'une façon intéressante, c'est pas suffisamment pour être éthérisé de son vivant et il n'a pas pu amener son corps dans sa mort. Par contre, effectivement, réincarné, et là, j'ai écrit pour le mettre en passant, et c'est réincarné dans le corps d'un homme. Chien, hein? Chien, mais c'est pas vrai. Bon. Elle s'est réincarnée dans le corps d'une femme. Meurt de sa première mort pour revenir dans un corps justement plus solide. C'est un fait. Elle a dit, elle a une incarnation pluralité fictionnelle quand même de ses parents. Alors, il aura une adolescence intéressante et elle se réveillera. L'esprit n'est-il pas omniprésent? Oui, mais comme je le répète, sous des plans vibratoires, expressions différentes. S'il y a 1244 000 esprits, comment personnaliser esprit, l'esprit humain, parvenir, etc. C'est comme la tarte. Depuis que je fais le chant des voyelles, il me semble que je suis plus colérique, plus impatient qu'avant. Pourquoi est-ce comme ça au lieu de me réharmoniser? Attention avec cette harmonisation. Vous ne faites pas le PNC ou certaines techniques pour vous harmoniser, vous les faites pour vous améliorer. C'est pas pareil. Dans la guérison, il n'y a pas d'harmonie. Restez malade tout le temps, il y a une harmonie. Entre la maladie et la santé, c'est le PNC, c'est l'harmonie totale. Vous votez votre ego, chiant, c'est l'harmonie. Si votre ego s'habitue à la maladie, ben là, c'est harmonieux. Harmonie. Hey, on peut même pas voir à travers les murs, vous votez maladie, ça. Depuis qu'on est habitué, ça, c'est harmonie. Hein? On est venu les murs quantitatifs ou les murs qui sont moins opaques. C'est vrai. Alors, pourquoi est-ce comme ça? La personne est la créature de l'énergie et son ego vibre. Si l'ego est attaqué par ce qu'elle fait, nécessairement, elle sera plus colérique, plus impatiente. C'est la preuve que ça marche. J'ai bien expliqué. Dimanche. Dans un mois, que l'être humain qui évoluait se dirigeait vers l'anti, vers le phénomène dangereux. C'est normal. Il s'orgueillit. En même temps, il doit travailler sur la négoïsation et c'est pourquoi c'est important. Sinon, c'est capote. La cellularisation, c'est la négoïsation. Elle permet à l'individu de manger un peu de marde à travers la découverte de ce qu'il fait, ce qui crée une espèce de stabilité, pas une harmonie, mais stabilité. Plus tu gonfles ton ego, plus tu en vas. Tu restes à peu près stable. Et à un moment donné, ça va diminuer. Explique sur cette technique. C'est le rapport IAC avec le DI où l'on utilise surtout le son A. Quand on utilise le son A dans le DI, c'est parce qu'on n'a pas voulu essayer d'autres sons. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sons que l'on peut employer. Il y a une technique de cure qui marche avec justement différents sons. Je parlais un peu plus, à un moment donné, ben, il y aura des individus qui comprennent, on pourra s'amuser un peu à faire ce genre de choses pour restaurer la santé. La technique elle-même amène l'individu à faire vibrer au niveau de son corps physique. Des cordes vocales qui engendrent une vibration particulière qui est une nourriture. Cette nourriture bien ajustée peut faire bouger les choses, elle peut guérir autrui, elle peut auto-guérir le corps, elle peut augmenter la conscience mentale, elle peut donner mal à la tête, elle peut faire digérer, elle peut faire certaines choses parce qu'elle oblige la vibration dans le corps. Cela engendre un phénomène un peu comme l'électromagnétisme. C'est extrêmement intéressant. La personne, si elle n'a pas la voyelle juste, ajustée à son corps ou à sa psychologie, elle peut se nuire un petit peu. Mais sinon, ne veut pas, vu qu'elle se nourrit, elle accumule une énergie nouvelle, une certaine partie de l'ego peuvent être irritées. Et l'ego irrité, s'exprimant par le corps, donne une vision de la colère et du corps irrité. Que reste-t-il à l'humain lorsqu'il cherche soit l'absurdité de la mort physique et en même temps l'absurdité de la vie? C'est-à-dire la possibilité de la non-existence finale à la limite de la création. Permettez, je vais boire un peu d'eau pour répondre à ça, ça va m'augmenter. Que reste-t-il à l'homme, lorsque l'homme découvre qu'il ne lui reste plus rien? Il reste à l'homme cette découverte. Et cette découverte est la base énergétique. Quelque chose qui échappe totalement à la réalité. lorsque cela arrive, de temps en temps, je préfère aller explorer des nouveaux domaines de l'éther, seul et pas en répondant par la parole. Alors, que reste-t-il à l'homme lorsqu'il ne reste plus rien et lorsque l'homme découvre qu'il ne reste plus rien? Il lui reste cette conscience de la découverte. Et cette conscience de la découverte, c'est cette qui est une supra-énergie qui vit par le biais de l'homme, qui n'est qu'à travers l'homme de l'éther et qui va rester. L'homme a la conscience vibratoire. Je le répète plusieurs fois pour l'expliquer quelque part. Lorsque l'homme découvre qu'il ne lui restera plus rien, il se trompe parce qu'il lui reste cette conscience. Et cette conscience, c'est exactement comme si on avait le trame de la création et que sur celle-là venait s'appuyer le trame d'une conscience inexistentielle. Et cette découverte consciente fait partie de la jonction entre l'homme cosmique et l'homme planétaire, l'homme humain. Il reste à l'homme qui conscientise qu'il ne reste plus rien à l'homme, cette conscience. Elle englobe la création, elle englobe les mécanismes créatifs et créationnels. Et c'est extra de voir pour cette question. Dans l'espace-temps, dont l'expression dans l'espace-temps est l'instantanéité versus la difficilement loin. Alors, personne qui a posé cette question-là. Vous voyez, j'aurais pu moi-même simplement le lire sans paraître que c'est des questions, et puis on en aurait facilement faire voir aux gens que c'est moi qui les ai écrits. L'ajustement du langage, c'est important, et on peut appeler ça à donner de l'énergie aux traduisants. Je les ai mis pourquoi? Parce qu'en les lisant, ça attire de l'énergie. Plus la question, et les questions ici qui ont été posées qui amènent de l'énergie, plus les questions sont justes, puissantes, plus cela amène de l'énergie. Et comme on dit souvent, plus tu as une question qui pousse, plus tu montes haut. C'est faux. Plus il y a d'énergie, plus j'en exprime. C'est ça, je monte plus haut. Les questions sont basses. Faut que moi, je m'interdis pour grimper. En réalité, je grimpe pas. Faut que moi, j'attire de l'énergie. Quand on a des questions comme ça, l'énergie est creuse. C'est vraiment pour nous faire des conférences. Absolument. Il y a une condition mémorielle qui est la réplique exacte. Dans le domaine de la matière, de la visualisation d'un espèce d'enfin qui ont trop attendu afin d'accepter la polarisation virtuelle, la sécurisation, la familiarisation. Et ceux-là, lorsqu'ils ont commencé à vouloir agir en tant qu'homme, parce que toutes les races de singes sont des hommes sans langue, des hommes sans parole, et cette race a voulu, trop tard, s'impliquer dans ce phénomène évolutif de l'homme. La conscience extrêmement souffrante de cette race oubliée et abandonnée, rejetée par l'homme humain, qui développait son centre de laryngé, son centre cérébral, a engendré une souffrance atroce qui a permis la création et la gestion de phénomènes d'anti-évolution qui haït, mais haït l'homme. Quand je dis haïr, vous ne pouvez pas en connaître la teneur exacte. Haïr. Démesuré de l'homme. À l'époque, cette force de haine haïssait Lucifer et sa sœur. Elle est jouée depuis le temps, plus densifiée, et elle a perdu la conscience de l'utilité de cet anneau luciférienne sur l'homme. Alors elle a pu s'allier aux forces sataniques et luciférienne. Certains de ces hommes singes existent encore aujourd'hui sur la planète. Ils n'ont plus de haine pour l'homme parce qu'ils ont oublié génétiquement dans leur identification cette mécanicité. Il y en a au Canada, il y en a en Amazonie, il y en a au Tibet, il y en a en Chine, il y en a aux États-Unis, il y en a en Union soviétique. Ils portent le nom de Migou, de Yeti, de Sasquatch et autres. Lorsque l'énergie descend chez l'homme, devient de l'âme, l'énergie supramentale éveille la conscience avec de l'âme, certains êtres similaires ne la reçoivent pas. Ils ont juste suffisamment de conscience pour détecter qu'on les rejette. Et l'expérience émotive engendre une haine et une jalousie massive de ces choses. C'est là. Et il y a ceux qui n'en ont pas conscience et qui vont s'allier aux mammifères de l'époque en engendrant les races de singes que l'on connaît. Cette partie de la haine planétaire cosmique qui haït, mais qui haït l'homme, endormie pendant des milliers d'années, avec des réfugiences de temps en temps, parce que certaines personnalités les créaient. Le culte de Lucifer est moins dangereux. Il attire la lumière sur le plan planétaire, même s'il va détruire les hommes qui ne peuvent plus le pratiquer. Le culte de Satan n'est pas dangereux, parce qu'il permet de terrestrifier l'humain pendant que d'autres sont en train d'avoir un contact supramental. par Adolf Tyler. Il était acquis d'Adolf Hitler parce que Adolf Tyler était le seul qui, dans le monde astral, avait la possibilité d'assister aux réunions du Reich, aux réunions de l'Auerbach et aux réunions de la Gestapo et des secrets allemands. Et il est le premier de cette époque à avoir dessiné Harry Mann et à avoir su détecter sa présence. Harry Mann revient lentement, le chef de la planète. C'est encore petit. Il fera partie des forces anti-humanitaires qui vont secouer le monde dans les années à venir. Et Harry Mann est extrêmement dangereux pour la simple raison qu'en plus d'engendrer la haine dans l'homme, il aura la force aussi de faire en sorte que ceux qui auront un contact astralisé supramental puissent haïr ceux qui auront un contact pur. La haine, c'est une mutation de l'amour chez l'homme. La haine ne provient que par ingestion arimanienne dans l'homme. Il y a la jalousie, il y a la peur, la colère, il y a l'orgueil. Mais la haine est une énergie qui vient forte de l'homme. Un être humain peut arriver à guérir d'un cancer, à transcender la mort, à vivre des années dans un pénitencier ou dans un camp de détention militaire. Un être humain qui est peut avoir plus d'énergie dans la vie avec la haine qu'avec l'amour. Haïr est une chose dramatique pour l'homme. Rejeter une chose, c'est correct. Quand je parle de haine, je parle de haine émotive qui vous fait vivre, qui vous fait rêver, qui vous fait penser des plans pour démolir, qui n'a qu'un seul objectif, détruire. Cette haine, elle manipule des peuples, elle manipule des consciences humaines, et cette haine est manipulée, assujettie à l'expression arimanienne de l'État. Les choses reviennent, remontent. Il y a certains brigands qui se mettent pesant pour les empêcher de sortir. La bête. Et plusieurs autres formes d'expression de la bête seront arimaniennes. Elles seront quelque peu cette année. Elles seront quelque peu luciférienne, mais elles seront arimaniennes. Harry Mann a été l'instructeur de plusieurs maîtres de la Gestapo. Harry Mann a été le supporteur de plusieurs maîtres de Shambhala. Harry Mann est l'un des plus grands gestionnaires et l'un des plus grands géniteurs de maîtres sur la planète. Les maîtres demandent à leurs fidèles de ne pas aller ailleurs et finalement d'aller l'extérieur. Lorsque dans une certaine religion, seule la Bible est tolérée, et tous les autres livres peuvent être rejetés parce qu'ils sont sataniques, pour eux autres, dans ce contexte cosmique, la Bible est animale. Mais l'être humain se fait galvauder, l'être humain se fait avoir, l'être humain se fait chanter. Chaque fois qu'un homme, une femme est, je ne sais pas qu'elle haït. Et quand je parle d'haïr, je ne parle pas de détester. Le langage peut être que tu jaillis cette personne-là, mais ce n'est pas une haine. Je parle d'une haine qui peut servir de nourriture. Une haine qui peut vous faire traverser la terre, marcher dans les déserts, monter les montagnes. Pas trois jours cachés à attendre quelqu'un. Dépenser sa fortune pour détruire la vie de quelqu'un. Force de la haine. Il y a des humains qui ont été agis. C'est Armand. Les forces vont être de plus en plus puissantes. Et on va en reparler de toute façon à un moment donné. De cette façon, elle va dicter la politique de l'État. On va aussi parler de cette façon, Satan va dicter la politique de l'État. De quelle façon les super va la dicter, de quelle façon l'homme nouveau devra induire sa propre politique de façon à ne pas être asservi par les événements d'autrui. Quand je ne sais pas, les êtres humains doivent être, vous devez être suffisamment préparés. Avoir l'intelligence de l'action, même si cette action est réactionnelle. Ce sera le temps d'en parler. se donner. On ne doit pas haïr. Achiman. Là, c'est pour vous. On ne doit pas haïr Achiman. Autrement dit, on ne doit jamais arriver à haïr. y a énormément de choses qui doivent être faites. Ils sont contents avec eux. Pas parce que le collectif, c'est le monde le fait. Ça ne change rien. Ce n'est pas parce que le monde le fait. Mais observez, si intelligent, oui, donnez. 2 piastres, 3 piastres, 1 piastre, un jour vous recevrez. Vous faites des mouvements. Intelligent, vous le voyez là. Parce qu'il trouvait là. Parce que lorsque l'intelligence recherche des êtres qui accomplissent l'intelligence, elle va voir ce qu'ils font, pas ce qu'ils pensent. Pas beaucoup, mais essayez de faire des choses. Vous traversez le métro, le feuille jusqu'à là, là. C'est un petit peu, là. Essayez donc de lui donner des médias. Pour beaucoup, vous soyez capable. Vous avez un rocher. Georges Faust. Non, Jean-Blanc, mais essayez. Le feuille joue et c'est pas correct qu'on vous nappe parce qu'il vit au dépens des autres. Mais entre vous et moi, j'aime beaucoup en plus les métros où on entend de la musique, les métros où on entend les femmes crier parce qu'on leur a piqué le sacoche. Juste observer. Juste observer. Les choses, c'est essayer de vivre comme si politiquement vous auriez à être élu. Transformer le monde de façon intelligente. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais mettez-vous dans une attente active efficace. Ce n'est pas vous vanter d'avoir acheté un billet. Mais achetez un billet comme si le pompier parlait un jour à votre question. Mais ça, c'est le jeu de la politique. Puis le jeu d'intelligence, c'est en plus de l'acheter parce que ça, c'est intelligent. Pas parce que si un jour je me fais brûler, moi, et ça. Parce que c'est écologique de s'arranger pour que l'énergie vitale de la planète ne soit pas toujours amenée à être absorbée par les problèmes de l'homme, par les problèmes de l'écologie, par les problèmes de la flore et de la faune. On prévoit faire un système pour protéger les oiseaux et l'écologie dans le fleuve Saint-Laurent, encore qu'un pétrolier aurait des problèmes. Parfait. Vous êtes au courant? Vous écrivez dans un journal, vous dites que vous êtes au courant. Et que vous trouvez ça, c'est génial. Dites qu'on devrait faire un peu d'effort pour financer l'écologie. Ça va rien donner, hein? Mais ça inscrit dans la salle en sacrableux que du monde se réveille fort. Et lentement, ça amène l'énergie à la bonne place. L'énergie, elle n'ira pas se promener de fort par du monde. Si du monde s'en fait là, c'est là qu'on va aller. L'énergie est le sol d'intéressant et elle est intelligente. Alors, ce n'est pas de faire les choses ici, ce n'est pas de faire un culte de cela. Vous allez comprendre l'intelligence des choses. C'est intelligent, c'est bon. Mais là, moi, je sais qu'elle est ici, le monde donne. Ça n'a rien à voir, quoi que l'est individuellement. Tout. C'est mon mouvement, lui, qui doit être fait collectivement, parce que si tu serais le seul à faire intelligemment, tu serais le seul à acheter. Observez et essayez de rendre immédiatement une correspondance intelligente dans la matière. Vous aurez un aspect de retour énergétique, financier, pécunier, matériel, énergétique et de tous les lieux. Et ça va attirer vers vous les gens qui ont des contacts. Ça va attirer vers vous les gens qui vivent l'intelligence. Parce que dans le monde éthérique, il y a une complicité qui va s'instaurer. Vous ne vous connaissez pas, vous ne les connaissez pas. Et lentement, ils vont se rapprocher. C'est bien simple. Donnez intelligemment et vous recevrez en fonction de votre intelligence. Donc, donnez émotivement et vous recevrez des remerciements. L'intelligence, elle s'exprime par l'homme, quand l'homme